Les personnalités étrangères exaltent les exploits du président Kim Il-sung. Le secrétaire général du Parti démocratique travailliste espagnol, le président du Conseil central du Parti politique de la République unie populaire Kirghizel du Kirghizistan, le secrétaire général du Mouvement de gauche unifié de Dominique, le président de l'Organisation d'études des étudiants de Thaïlande et autres personnalités ont dit. Le camarade Kim Il-sung, éminent leader de la nation coréenne, a joui du soutien et de la confiance absolue du peuple coréen. Il a été grand penseur et théoricien, homme politique et révolutionnaire reconnu par le monde entier. Ses idées et exploits ont continué grâce au camarade Kim Jong-il et brillent à présent sous la direction du camarade Kim Jong-un.